Ouais, salut Margot. C'est la fonction affine f de x égale à x plus b. J'aimerais juste comprendre où en est notre relation. Hier, on s'est croisés dans un exercice, tu m'as à peine reconnue. Sympa. Après toutes les équations qu'on a résolues ensemble, c'est un petit peu dur à encaisser. Parce que les connaissances, ça s'oublie vite, Acadomia propose des stages de pré-rentrée en petits groupes de 4 élèves en moyenne pour un travail approfondi et personnalisé dans les matières principales. Renseignements sur acadomia.fr. Acadomia, ils ont tout pour réussir. Selon des calculs forcément approximatifs, l'univers contiendrait jusqu'à 10 puissance 24 étoiles, soit un quadrillion si on suit l'échelle longue française ou un septillion selon l'échelle courte britannique. Si on part du principe qu'une moyenne de 3 étoiles sur 4 possède un système planétaire, dont, disons, allez au bas mot, un quart voire un tiers se trouve dans une zone dite d'habitabilité, et que tout cela existe depuis une dizaine de milliards d'années, eh bien il y a de fortes raisons de penser que statistiquement, la vie est apparue ailleurs. La question est comment, et c'est là que commencent les problèmes, d'autant qu'on ne sait toujours pas exactement comment elle est apparue sur Terre. Il était une fois la vie ailleurs, c'est le programme exobiologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher de démêler les différentes hypothèses et comprendre comment on peut étudier l'éventualité de l'apparition de la vie dans un contexte autre que celui que nous supposons connaître chez nous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Cornelia Meinert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS, spécialiste de la chimie analytique et de la formation des briques élémentaires à l'origine de la vie à l'Institut de chimie à Nice. Et Stéphane Masvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de Paris, futur directeur de l'Observatoire Nice-Côte d'Azur et auteur de Les exoplanètes et la vie dans l'univers. C'est aux éditions Odile Jacob. Mais on commence par cette forme de vie si particulière qui nous délivre chaque jour à travers les ondes l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou, en tout cas son nom terrestre, pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, un rapport paru hier en France, la population des oiseaux a chuté de près d'un tiers en 30 ans. Oui, ce rapport, c'est le bilan 1989-2019 du STOCK, le programme suivi temporel des oiseaux communs, conduit par le Muséum National d'Histoire Naturelle, l'Office français de la biodiversité et la Ligue pour la protection des oiseaux. Le STOCK, c'est aussi le plus ancien réseau de sciences participatives qui s'appuie sur le travail d'ornithologues bénévoles qui recensent chaque année les oiseaux partout en France. Alors ce rapport parle d'une hécatombe en milieu agricole et urbain. En 30 ans, les 123 espèces aviaires les plus communes ont globalement perdu 30% de leurs effectifs. Alors cette baisse globale des oiseaux en France est assez contrastée. D'un côté, il y a quelques espèces qui augmentent, les espèces dites généralistes comme le pigeon ramier ou le merle noir qui s'adaptent à tout type de milieu. Et de l'autre, il y a les espèces dites spécialistes qui, elles, s'adaptent moins facilement et dont la population décline de façon vertigineuse. Benoît Fontaine est coordinateur national du programme STOCK. Oui, alors on ne découvre pas en fait. On constate que la baisse se poursuit et malheureusement on n'est pas du tout surpris. Année après année, la situation ne change pas, voire c'est de pire en pire. Par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'on a perdu près d'un tiers des espèces spécialistes des milieux agricoles depuis 1989. Et la situation est à peu près pareil, un tout petit peu moins grave pour les oiseaux spécialistes du milieu urbain. Et on en est presque à se réjouir que les espèces spécialistes du milieu forestier, elles n'ont chuté que de 10%. On trouve que c'est une bonne nouvelle. Par contre, on a les espèces généralistes, elles, qui sont plutôt en expansion globalement, qui ont gagné à peu près 20%. Et donc, il ne faut pas penser que finalement, c'est un jeu à somme nulle, parce que il y en a quelques espèces généralistes, beaucoup d'espèces spécialistes, et donc ces quelques espèces généralistes qui augmentent, en fait, elles participent à une banalisation des faunes, à une uniformisation des paysages, enfin de la biodiversité. Et c'est très rarement une seule cause, hein. C'est des raisons qui sont multifactorielles. et qui sont liées pratiquement tout le temps, pour 99% du temps, aux activités humaines. Et la chute des oiseaux en milieu agricole, c'est clairement lié aux pratiques agricoles, à l'intensification de l'agriculture. Nos études, elles montrent pas elles permettent pas de dire quelle est la cause du déclin, mais en disant ça, je m'appuie sur quantité d'autres études qui montrent toutes la même chose, c'est-à-dire l'intensification de l'agriculture, elle a un effet néfaste sur les oiseaux. Les pesticides, ils ont deux effets. Ils empoisonnent directement les oiseaux, et d'autre part, ils diminuent les ressources dont les oiseaux ont besoin pour se nourrir. La trajectoire de l'agriculture, c'est plutôt actuellement d'avoir des exploitations de plus en plus grandes avec de la monoculture. Donc on a des très grandes zones, des très grandes parcelles en monoculture de maïs ou de blé, où il n'y a pas grand-chose qui peut survivre là-dedans, quoi. Et on sait très bien, à partir notamment des données du stock, qu'il est possible d'avoir une agriculture qui permet à la fois de faire vivre les agriculteurs, de produire de la nourriture et d'être respectueux de la biodiversité. Il y a d'autres voies possibles que cette agriculture industrielle. Voilà, si vous voulez retrouver ce suivi des oiseaux communs en France, on vient de vous le poster sur notre compte Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. C'est aujourd'hui le lancement de heroesfordogs.eu, une plateforme internet pour une meilleure transparence du lobbying des industries de santé. Et plusieurs scandales sanitaires sont liés à des conflits d'intérêts. On peut évoquer l'affaire du Mediator en France ou la crise des opioïdes aux États-Unis. En France, les industriels sont dans l'obligation de déclarer tous leurs liens d'intérêts financiers. Ces liens sont répertoriés dans la base gouvernementale Transparence Santé, une plateforme difficilement explorable et donc plutôt opaque. L'association Heroes4Docs avait créé le site heroes4doc.fr pour simplifier l'exploration de cette gigantesque base de données. Après le succès de cette plateforme française, l'association lance aujourd'hui sa version européenne. Toutes les sources de transparence des pays européens ont été réunies, unifiées et stockées sur cette seule base de données. Pour les projets d'investigation, pour les journalistes, chercheurs et ONG, ce site est une mine d'informations très précieuse. Vous pouvez aussi aller voir les liens d'intérêt de votre médecin traitant. En général, parfois ça fait un peu peur. Enfin, hier, Natacha, l'Organisation mondiale de la santé a changé la nomination des variants du Covid-19. Les noms scientifiques continueront d'exister, mais pour le grand public, les autorités nationales et les médias, l'OMS recommande d'utiliser des lettres de l'alphabet grec. Ces lettres sont utilisées pour les quatre variants préoccupants qui circulent. Le variant B117, jusqu'à présent dit britannique, devient le variant alpha. Le B1351 découvert en Afrique du Sud devient bêta, tandis que le P1 brésilien devient gamma. Alors pour le variant découvert en Inde, il existe différentes sous-lignées, dont une est jugée préoccupante. La variante B1617.2 a été baptisée delta, et l'autre variant d'intérêt B1617.1 est appelé kappa. L'OMS propose cette nouvelle nomenclature pour éviter de stigmatiser, de discriminer les pays concernés. Et pour réviser en même temps son grec ancien. Merci beaucoup. Merci, Natacha. Nicolas. Et à demain pour le prochain Journal des Sciences. L'existence de la vie ailleurs dans l'univers ne fait aujourd'hui plus vraiment débat dans la communauté scientifique. Les statistiques sont tellement importante et sur une durée elle-même tellement énorme que si la vie est apparue ici sur Terre, la probabilité qu'elle soit apparue ailleurs est très élevée. Et dès que l'on commence à penser à l'apparition de la vie ailleurs, eh bien les problèmes eux aussi commencent. En premier lieu parce que nous ne savons pas encore précisément comment la vie est apparue ici. La seule chose que nous savons, c'est que si elle est apparue il y a longtemps, elle n'apparaît plus aujourd'hui, hein, on ne découvre pas, jusqu'à preuve du contraire, de nouvelles formes de vie qui seraient créées ex nihilo au fond d'une grotte ou dans un volcan sous-marin. L'autre problème, c'est le géocentrisme. Nous pouvons inférer à partir des éléments dont nous disposons comment la vie aurait pu apparaître dans nos conditions planétaires, mais que se passe-t-il si on change les paramètres dans d'autres conditions, avec d'autres éléments, dans un autre système? Eh bien, ces paramètres sont très importants eux aussi, et les réponses complexes à apporter, mais cela n'empêche pas de se poser ces questions que nous allons aborder tout au long de cette heure. Et en général, lorsqu'on évoque la vie hors du modèle terrestre basé sur le carbone, on entend souvent parler d'un autre modèle, et c'est ce modèle qu'évoque notre archive du jour. Nous sommes sur la radiodiffusion française. Déjà en 1952, on parlait du silicium. Nous ne pouvons pas, nous, pauvres habitants de la Terre, imaginer une vie qui ne comporterait pas des protéines et dont le carbone ne serait pas l'élément essentiel. Mais il est possible, et dans ce domaine, l'imagination peut vagabonder, que la vie à base, par exemple, de silicium, soit possible ailleurs. mais c'est là une hypothèse toute gratuite, une véritable divagation. Ne peut-on pas imaginer des systèmes solaires plus ou moins analogues aux nôtres et, dans ces systèmes, des planètes plus ou moins analogues à la nôtre où le cycle même du carbone pourrait se reproduire? A priori, on doit admettre, me semble-t-il, que la vie a pu se produire et existe présentement sur d'autres planètes que la nôtre, bien entendu. Voilà, nous sommes en 1952, on parle déjà du silicium, une réponse ou en tout cas une réaction à cette archive, Stéphane Masvet. Ma réaction importe sur les systèmes analogues, puisque en 1952, on n'avait pas d'idée de quel type de planète et quel type de système planétaire existait. Et pendant longtemps, jusqu'à la découverte de la première exoplanète, on pensait plutôt que le système solaire, ça devait être probablement une norme. Mais ce que l'on sait quand même maintenant, après 25 ans de découverte d'exoplanètes et de presque 5000 exoplanètes découvertes dans plus de 800 systèmes, c'est que le système solaire, c'est plus l'exception que la norme. Et donc là, on arrive maintenant de manière quantitative sur ces questions avec la problématique des exoplanètes, c'est qu'on peut vraiment quantifier: est-ce que le système solaire, et donc la Terre par définition, qui appartient au système solaire, est aussi générique qu'on pouvait le penser dans les années 50? Je rappelle que la première exoplanète, Michel Mayor et Didier Queloz, c'est en 95, donc bien longtemps après cette archive. Cornelia Meinert, on peut casser le suspense tout de suite. Aujourd'hui, la vie base silicium, on pourra y revenir plus tard, mais on peut le dire, plus personne n'y croit vraiment, ou est-ce que c'est encore une hypothèse qui peut être soutenue? Moi, comme chimiste, en fait, en général, pourquoi en fait on cherche ou on regarde le silicium, c'est si on regarde le tableau des éléments, le tableau périodique des éléments, on voit très bien que le silicium, c'est juste en dessous de carbone. Et la vie sur Terre actuellement est basée sur le carbone, parce que le carbone, c'est un élément tétravalent. Ça veut dire que le carbone, l'élément carbone, peut faire 4 liaisons. Et ça permet aux molécules d'avoir une grande complexité, aussi une forme tétrahydrique qui est à la base de la chiralité, qui est très fondamentale pour tout l'être vivant. Et comme on regarde dans le système périodique, juste les éléments en dessous, dans le même groupe que carbone, il y a le silicium. Et les chimistes savent tous que les éléments dans le même groupe du périodique, le table périodique, a à peu près les mêmes propriétés chimiques. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu cette fantasme, pourquoi pas échanger le carbone qui est tétravalence avec le silicium qui est également tétravalence. Il peut faire aussi cet élément, les liaisons avec 4 éléments différents. Par contre, le silicium, comme l'atome est un petit peu plus grand que le carbone, les liaisons qu'il forme avec les 4 éléments sont moins stables et ça rend aussi les polymères qui peuvent former à base de silicium plus fragiles. Et il y a un petit peu la question pour la vie, est-ce qu'on veut être basé sur des molécules qui sont un petit peu plus faibles et les biopolymères plus fragiles? Et c'est pour ça la question actuellement sur la Terre, on ne veut pas, on est très très bien avec le carbone, mais peut-être ailleurs où la thermodynamique est différente, qui peut stabiliser ces molécules, ça peut être une réalité. Par contre, sur Terre, et comme j'ai expliqué avec le tableau périodique, je pense que c'est un petit peu ça qui passe si on regarde ailleurs qu'on veut trouver quelque chose d'autre, mais un petit peu avec les mêmes propriétés. Et on échange le carbone avec le silicium, qui est déjà fait par Frances Arnold, une chercheuse qui a eu aussi le prix Nobel en chimie, qui a fait les études pour remplacer le carbone par silicium dans une bactérie, dans une protéine qui s'appelait le cytochrome C, et elle a réussi d'incorporer cette silicium dans cette protéine. Elle n'a pas remplacé tous les carbones, mais il y a des liaisons de temps en temps, carbone-silicium. On reviendra tout à l'heure un peu plus en détail sur cette hypothèse hein, qui est très populaire et qui est même très populaire parmi les écrivains de science-fiction. On verra qu'elle est effectivement plus fragile qu'il n'y paraît. Mais avant cela, on va essayer de comprendre déjà bien comment et quels sont les éléments dont on dispose pour la compréhension de l'apparition de la vie sur Terre. On en a déjà parlé à ce micro, mais on va refaire un petit tour d'horizon puisque il faut bien comprendre comment elle est apparue ici pour comprendre comment elle pourrait apparaître là-bas. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc de la possible apparition ou de la création de la vie ailleurs que sur Terre. Mais pour cela, nous allons parler un petit peu de ce que l'on sait et des points d'interrogation qui restent autour de l'apparition de la vie sur Terre. Nous en parlons avec Cornelia Meinert et Stéphane Masvet. Peut-être Stéphane Masvet, vous, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous venez d'écrire un livre sur la question des exoplanètes et de la vie dans l'univers. Quels sont les obstacles épistémiques à l'imagination de la vie ailleurs quand on essaye de changer finalement de terrain de jeu, de changer les éléments? Quels sont les premiers obstacles qui se présentent selon vous? Ben alors, c'est un point extrêmement intéressant puisque dans votre introduction, vous disiez, bon c'est vrai, effectivement, on a découvert pas mal d'exoplanètes. Et ce qui est important pour vos auditeurs de savoir, c'est que les exoplanètes dites habitables, c'est-à-dire qui potentiellement auraient de l'eau liquide en surface, c'est pour l'instant qu'un modèle théorique. C'est-à-dire ce que l'on fait, c'est que on trouve des exoplanètes autour d'étoiles différentes que le Soleil. On en trouve aussi autour d'étoiles similaires au Soleil. On prend sur l'ensemble de ces exoplanètes on en a à peu près une soixantaine à l'heure actuelle qui ont des densités qui ressemblent à la Terre et qui sont à une distance de leur étoile où, si elles ont la chance d'avoir une bonne atmosphère, une bonne composition en carbone, en dioxyde de carbone et en eau, par effet de serre, on arriverait à avoir des températures de surface qui permettraient de l'eau rester à l'état liquide en surface. Mais ça, pour l'instant, on n'a pas encore caractérisé d'atmosphère de planètes habitables. Donc, quand on pense à la vie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, donc en 2021, la notion de planète habitable en astrophysique n'est pas encore validée par les observations. Mmh. Ça, pour l'instant, voilà. Et il y a peut-être aussi une autre question, alors qui pourrait, si on se lance là-dedans, nous retenir plus qu'une heure, peut-être des heures entières, parce que là c'est une vaste question, autant scientifique que philosophique que métaphysique à traiter. Mais d'un point de vue de chimiste, finalement, quand on est à Meinert, quand on parle de vie, finalement, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qui pourrait faire vie? Il y a récemment, et on avait parlé à ce micro, quelque chose d'intéressant, qui est d'étendre notre compréhension de la vie terrestre à finalement une sorte d'acceptation plus large qu'on appelle LYFE, alors LYFE en anglais. On remplace le I de life par un Y, on prononce ça LYFE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les acceptions que l'on peut attendre ou espérer de cette notion de vie élargie éventuellement dans un autre univers ou sur une autre planète? Oui, exactement. En fait, la problématique avec la vie sur Terre, c'est ça qu'on connaît. Et si on veut chercher la vie ailleurs, et comme vous avez évoqué, c'est pas dit que c'est pareil que sur la Terre, parce que les conditions au niveau atmosphère, la croûte terrestre, ça c'est pas forcément pareil sur des exoplanètes. Et si on cherche la vie, il faut avoir un esprit un petit peu plus ouvert. Sinon, si on cherche la vie ailleurs, on va peut-être louper. Parce qu'on cherche la vie terrestre sur une exoplanète, qui est quand même paradoxe. Et c'est pour ça qu'il y avait une étude récemment par un chercheur de Caltech, Stuart Bartlett, qui a en fait proposé ça pour ouvrir l'esprit des chercheurs, si on veut trouver la vie ailleurs, de définir la vie différemment. Et la vie life en anglais, c'est vraiment réservé pour la vie terrestre. Et si on cherche la vie ailleurs, on utilisait LYFE. Et il utilisait un système basé sur la thermodynamique pour caractériser cette LYFE, cette vie extraterrestre. Et cette LYFE, ils mettent sur des bases de une structure dissipative qui est capable de se autocatalyser, de homéostasie et d'apprentissage. Ce sont des quatre critères pour lui qui sont beaucoup plus larges si on juste se base sur la vie terrestre. Un mot peut-être, Stéphane Masvet, sur ce concept de l'œuf. Ça vous semble juste, effectivement, parce que c'est peut-être l'une des premières façons de s'arracher, parce qu'on sait à quel point il est difficile de s'arracher de l'anthropocentrisme ou de du géo, du terrocentrisme, je ne sais pas très bien comment le définir, mais en tout cas de s'abstraire de ce que nous connaissons, puisque c'est la seule chose que nous connaissons, donc c'est difficile d'avoir des modèles concurrents. Oui, mais en fait, le problème pour les astrophysiciens avec ces concepts, c'est de revenir à qu'est-ce qui va être possible de caractériser. Mmh. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, ce qu'on essaye de faire, c'est de valider le concept de planète habitable. C'est-à-dire, on espère, dans les 10 prochaines années, pouvoir avoir caractérisé les concentrations atmosphériques de ces planètes qui sont au bon endroit dans leur système, pour savoir si les conditions de surface correspondent à celles où de l'eau est à liquide. Ce que l'on fait pour avoir une idée d'activité biologique, c'est qu'on réfléchit à quels seraient les marqueurs qui seraient visibles d'un point de vue atmosphérique. Et donc, là, moi, je trouve que c'est toujours un peu difficile de s'éloigner de ce qu'il y a sur Terre, parce que donc on peut étendre la définition de la vie, mais j'ai toujours je demande toujours à mes collègues chimistes de dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ce concept-là d'un point de vue empreinte atmosphérique et caractérisation atmosphérique. Et ça, c'est une question qui est, à mon avis, importante. Donc je trouve quand même que c'est vrai qu'il ne faut pas être prisonnier d'une vision anthropocentrique de la vie, mais qu'un bon départ quand même, puisqu'on a fait quand même beaucoup de progrès dans la modélisation de l'activité biologique terrestre, impact sur l'atmosphère, je pense que c'est une bonne façon de démarrer, de regarder déjà, est-ce qu'il y a de la vie telle qu'on la voit sur Terre, dans ces trois grandes catégories qui sont la chémiotrophie, la photosynthèse non oxygénique et la photosynthèse oxygénique. Cornelia Meinert, justement, une réaction à ce que vient de dire Stéphane Masvet. Comment est-ce que la chimie peut apporter effectivement certaines des réponses aux questions qui viennent d'être évoquées? Non, en fait, il a tout à fait raison, parce que si on n'a pas un concept ou une définition précise de la vie, on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'on cherche et comment expliquer l'origine de la vie. Et c'est pour ça, bien sûr, comme nous, on connaît la vie terrestre uniquement. Et peut-être c'est aussi la seule dans l'univers, on définit un petit peu on s'appelle ça les biomarqueurs. C'est quoi les caractéristiques de la vie qu'on peut détecter dans l'espace, comme là les 4 critères de Stuart Bartlett, les autocatalyses, apprentissage. C'est quelque chose de très dur de mesurer en infrarouge, dans les atmosphères des exoplanètes. C'est pour ça, en fait, on prend des biomarqueurs, c'est des molécules organiques qui sont utilisées par tous les êtres vivants, et on définit plusieurs biomarqueurs pour avoir des caractéristiques un petit peu plus costauds. Plus solides. Et c'est solide. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche, par exemple, dans les missions spatiales, sur Mars, par exemple, par des rovers par Mars, ou dans les exoplanètes. C'est vraiment des biomarqueurs comme les acides aminés, les sucres, les molécules utilisées par les êtres vivants sur Terre. Sur Terre, et donc, comme toujours, avec une base carbone. Stéphane Masvet, c'est intéressant, parce que là aussi, quand on commence à regarder ces biomarqueurs chimiques, on pourrait se dire, il suffit de détecter, je ne sais pas moi, de l'oxygène ou du dioxyde de carbone, et donc ce serait la preuve qu'il y a une forme d'activité, puisqu'on sait notamment que l'oxygène sur Terre a été, que la vie est apparue certainement de façon abiotique, et que l'oxygène a été créé par le début de la photosynthèse, et donc par des organismes vivants, mais malheureusement, c'est pas, là une fois de plus, pas aussi simple que ça. Voilà, c'est vraiment un problème compliqué. C'est-à-dire que la question des biosignatures ou des marqueurs atmosphériques qu'on serait capable de caractériser dans les 15 prochaines années, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'on pourra faire dans 100 ans, mais avec les instruments qu'on prévoit d'avoir d'ici les 15 prochaines années, il faut identifier des compositions ou des composés qui seraient présents dans l'atmosphère et qu'on rattache à une activité biologique. Et l'oxygène, c'est un bon exemple, parce que effectivement, comme vous dites, on peut dire, il y a l'oxygène sur Terre a une origine abiotique, Le problème, c'est que l'oxygène sur Terre n'est apparu qu'il y a 600-700 millions d'années. Et donc, l'oxygène sur Terre, en tant que tel, déjà, ça pose la question du déterminisme biologique, c'est-à-dire que ce n'est pas clair que le vivant va nécessairement évoluer vers de la photosynthèse oxygénique telle qu'on le voit sur Terre, surtout qu'a priori, il n'y a pas de corrélation entre l'innovation biologique et puis l'apparition de taux importants d'oxygène dans l'atmosphère. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il y a des faux positifs, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de configurations. Par exemple, si vous prenez la Terre à l'heure actuelle et vous la rapprochez du Soleil, donc vous allez avoir un emballement par gaz à effet de serre où vous allez créer énormément d'oxygène dans l'atmosphère de la planète. Et donc, toute cette question des biomarqueurs, ça veut dire qu'on ne peut pas regarder les composés, il n'y a pas de méthode secrète. C'est-à-dire de dire, ben, tiens, si on trouve de l'oxygène, c'est la présence d'une activité biologique. Il faut remettre ça dans un contexte planétaire et de prendre vraiment la biologie comme étant partie intégrante d'une évolution planétaire avec un impact. La liaison n'est pas très très bonne, Stéphane Mazet. On va essayer de vous rappeler ou de vous recontacter parce qu'on est un peu en train de vous perdre. Juste peut-être une précision avec vous, Cornelia Miner. Stéphane Mazet dit l'oxygène sur Terre est apparu il y a 600 millions d'années. Moi, c'est pas exactement les chiffres dont on dispose. Peut-être que la concentration actuelle s'est stabilisée il y a 600 millions d'années, mais les premières traces d'oxygène, ça remonte à avant cela, non? En fait, Stéphane, il a bien dit ça parce qu'on a eu aussi la première être vivant était pas basé sur l'oxygène. Non, bien sûr. Et c'est pour ça, en fait, c'est un petit peu la grande difficulté à quel moment on observe l'évolution, on observe un exoplanète dans quel état. Mm-hmm. Ou est-ce que les êtres vivants, l'évolution finissent toujours par des organismes qui consomment l'oxygène? Ou est-ce qu'un planète peut être aussi en équilibre par les êtres vivants qui ne sont pas obligés de consommer l'oxygène. C'est pour ça, comme Stéphane il a bien dit, il faut toujours, si on regarde les exoplanètes, les atmosphères, d'avoir une histoire sur cette planète et son évolution dans le temps. Il y a une chose intéressante qui peut paraître évidente, mais encore faut-il le circonscrire pour que ça devienne évident, c'est que, en tout cas, une chose paraît certaine sur Terre, toujours, puisque nous sommes toujours sur Terre, Cornelia Meinert, c'est que l'apparition de la vie est un événement donc qui s'est produit de façon abiotique, c'est-à-dire sans oxygène, mais qui s'est produit de façon planétaire, c'est-à-dire que la vie n'est pas apparue dans un petit coin, elle est apparue à peu près, on imagine en tout cas, à peu près partout en même temps. Et comme je le disais dans l'introduction, la vie n'apparaît plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et jusqu'à preuve du contraire, on ne retrouve pas d'endroit où finalement il y aurait cette chimie créatrice de vie, abiotique ou non d'ailleurs, qui recréerait des formes de vie à partir de molécules inanimées. Oui, parce que la vie, actuellement, on trouve partout sur Terre, même comme vous avez dit, comme introduction, au fond de l'océan, dans les endroits vraiment extrêmes, où il y a des extrémophiles qui sont capables de s'adapter aux températures très hautes, très bas, avec oxygène, sans oxygène. Il y a l'adaptation, l'évolution de la vie sur Terre. C'est Stéphane Mazet, on vous a récupéré peut-être là-dessus, hein, sur le fait que aujourd'hui on est absolument sûr que la vie n'apparaît plus sur Terre, c'est-à-dire qu'on a vraiment testé des endroits dont on peut imaginer qu'ils pourraient ressembler à des endroits très primordiaux. Je parlais effectivement des volcans sous-marins, des sources hydrothermales ou éventuellement des grottes complètement recluses où il n'y a plus d'oxygène. Enfin, on sait aujourd'hui que la vie est nécessairement un événement planétaire. Alors, je pense que c'est clair que on a à peu près regardé partout. Il y a un consensus pour dire on ne voit pas spontanément la vie apparaître quelque part sur Terre, comme vous l'avez évoqué. Et donc, ce qui vient à l'esprit, c'est de dire que la vie est apparue sur Terre à un moment où les conditions sur Terre étaient très différentes. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'oxygène, et j'étais juste coupé quand je précisais, c'est-à-dire de l'oxygène détectable. Voilà. L'oxygène est bien apparu il y a 2,5 milliards d'années, mais c'est à 1%, ce qu'on appelle la grande oxydation, c'est 1%, et ça, c'est pas détectable avec les instruments actuels. Mais pour revenir sur cette question d'émergence de la vie, c'est que, et c'est un peu quoi tout le monde pense à l'heure actuelle, c'est de se dire entre, disons, entre 4,5 et 4 milliards d'années, il y a eu un épisode transitoire qui ont créé des conditions à la surface de la planète qui ont permis à la vie de démarrer. Alors, il y a pas mal de gens qui pensent à des impacts, plusieurs scénarios qui sont mis en avant, mais effectivement, à l'heure actuelle, la grande tendance, c'est de penser que la vie est apparue dans un état transitoire de la planète qui n'existe plus actuellement. Et il y a évidemment cette question de la panspermie, hein, de l'idée que les composants élémentaires de la vie aient pu être amenés sur Terre, y compris l'eau. Mais alors ça, si on rentre dans ce débat-là, on n'en sortira pas et on va garder l'antenne jusqu'à 23h. Peut-être un mot, puisqu'on parlait justement des biomarqueurs, et ce sera intéressant, parce qu'on va parler tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, des moyens que l'on va développer dans les années à venir pour nous aider à analyser ces atmosphères d'exoplanètes et à éventuellement découvrir ces biosignatures avec tous les guillemets et toutes les précautions épistémiques possibles. Mais une fois qu'on est dans cette soupe primordiale, que ces premières molécules ont été formées, encore faut-il qu'elles se retrouvent en quantité suffisante pour permettre la formation des premières protéines complexes, des acides nucléiques qui vont servir à constituer l'ARN puis l'ADN. Et dans cette formation, il faut préciser que il n'y a pas que le carbone et l'oxygène qui jouent des rôles, mais les minéraux jouent également un rôle important, un rôle de catalyseur, et c'est ce à quoi vous êtes intéressé, Éléonore Pérez, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, effectivement, une étape essentielle de l'émergence de la vie sur Terre est l'assemblage des molécules élémentaires comme les acides aminés et les nucléotides. J'ai rencontré Isabelle Daniel, spécialiste de minéralogie à l'université Claude Bernard Lyon 1. Elle cherche entre autres à comprendre le rôle possible des surfaces minérales silicatées dans un contexte hydrothermal, lorsque de l'eau qui a pénétré à l'intérieur de la roche en ressort ensuite à haute pression et haute température. Selon ses travaux, la chimie de l'océan primitif aurait favorisé l'adsorption, c'est-à-dire la fixation, des molécules organiques à la surface de phyllosilicates, permettant ainsi leur concentration. On sait que les surfaces des minéraux sont extrêmement catalytiques, ça c'est un premier point, c'est-à-dire que ça permet en fait à des réactions de se réaliser plus facilement, alors que ça nécessiterait plus d'énergie dans le milieu dilué. En particulier, donc ce qu'on avait appelé en fait les liaisons pendantes, ou vraiment la réactivité des surfaces minérales, en fonction de la polarité des molécules, eh bien ça va permettre en fait à des molécules de rester plus ou moins fixées sur la surface du minéraux. Ça a comme conséquence en fait de concentrer les molécules par rapport au milieu environnant. Par exemple, si on prend l'exemple de l'océan, dans ce cas-là, on peut avoir, les molécules peuvent être très diluées. En revanche, si elles sont attirées par la surface des minéraux, même dans une mesure très limitée, quand elles seront à la surface des minéraux, elles vont être beaucoup plus proches les unes des autres, et donc potentiellement avec la possibilité de réagir entre elles, et en particulier de former toutes les liaisons qui permettent de passer de la molécule élémentaire jusqu'à des oligomères, et puis progressivement, probablement aussi avec l'aide de la vie, des grands polymères tels qu'on les connaît à l'heure actuelle dans les cellules. On travaille sur des systèmes expérimentaux, modèles. Donc on prend en fait des minéraux dont on pense qu'ils étaient abondants à la surface de la Terre, et abondants en fait aussi sur les planchers océaniques, ce qu'on appelle donc les phyllosilicates. Donc c'est des minéraux à base de silicates, hein, comme la plupart des roches qu'on trouve à la surface de la Terre. Et phyllosilicates parce qu'ils sont organisés en feuillets. Ils sont très diversifiés et ils ont en fait, pour beaucoup d'entre eux, de très grandes capacités réactionnelles. On va les trouver en particulier très utilisés en biologie, comme vecteurs de médicaments par exemple aussi. Dans ce cadre-là, donc on utilise en fait des minéraux qui sont préparés, finement divisés, dont on a mesuré les propriétés physico-chimiques. On les met en fait à réagir dans une solution aqueuse, avec différentes hypothèses en fait pour la chimie de l'océan primitive, et on les met au contact en fait de nucléotides. Donc les nucléotides, hein, c'est la brique élémentaire de notre matériel génétique. Et à partir de là, en fait, on regarde comment les nucléotides s'adsorbent. Donc, c'est-à-dire que ça s'installe sur la surface de ces minéraux, jusqu'à quel point en fait ils peuvent être concentrés, avec effectivement l'idée que la concentration va favoriser la polymérisation. Donc on met ça à réagir pendant 24 heures dans un bain thermostaté. Ensuite on centrifuge et on mesure en fait la quantité de nucléotides qui restent dans le surnageant. et donc par bilan de masse, ce qui est plus dans le surnageant est nécessairement à la surface du minéral. Et de fait, on l'a aussi vérifié par d'autres méthodes spectroscopiques un petit peu sophistiquées pour vérifier que tout ce qu'on disait était correct. Au final, il y a une concentration de l'ordre de combien ? Alors, on atteint facilement des concentrations fois 1000, éventuellement fois 10 000. Ça dépend vraiment, en fait, de la composition chimique, là, de la solution utilisée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, selon le pH de la solution, selon sa teneur en sel, on va en fait ouvrir des voies d'adsorption différentes. Le mécanisme et la capacité, en fait, et la façon aussi dont les nucléotides s'adsorbent sur les minéraux dépend vraiment très, très, très largement de la chimie du milieu. Donc en laboratoire, on va dire la chimie de la solution aqueuse que l'on a employée. Dans le milieu naturel, ça serait la chimie de l'océan primitif et qui n'est pas très, très bien connue à ce jour. Est-ce que vous observez des liaisons entre les nucléotides ? Avec nos techniques de laboratoire, ça, on ne peut pas le faire. Ça viendra, c'est quelque chose sur lequel on travaille, évidemment. Donc, on a aussi mené différentes expériences, aussi en fonction des conditions environnementales. On a essayé de faire changer aussi un petit peu la pression. On a développé, du coup, des réacteurs qui sont spécifiques pour ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre nos échantillons dans des petits tubes scellés. Et ensuite, en fait, on va connecter le réacteur avec une connexion qui va nous permettre d'apporter de l'eau sous pression. Une fois que je suis dans les conditions à peu près raisonnables, je vais en fait pouvoir mettre ça un petit peu sous température, thermalisée dans tous les cas, avec un petit manteau chauffant souple. Tout ça est régulé pour que ça puisse rester 24 heures, 48 heures, voire même des semaines. Dans exactement les mêmes conditions de pression et de température pour simuler les conditions de subsurface de la Terre. Et ce serait applicable aussi pour chercher des conditions de vie sur d'autres planètes ? Alors tout à fait, oui. Les conditions auxquelles on s'intéresse, nous, ce sont les conditions en fait, dans lesquelles il pourrait y avoir un océan de subsurface. Donc ça, ce sont des travaux qu'on mène. Alors la partie interaction entre le fluide, le minéral et la molécule organique, ça, c'est assez similaire. Hein. Y a pas de... Les processus physico-chimiques sont exactement les mêmes. La question qui va se poser en fait, dans les océans de subsurface d'autres corps planétaires, hein, c'est la question en fait, de l'apport des molécules organiques. Donc on aurait possiblement dans ces corps glacés à la fois de l'apport de molécules organiques depuis l'espace, hein, et potentiellement aussi la formation de molécules organiques depuis le noyau rocheux. Et il faut trouver un mécanisme en fait, pour transporter ces molécules-là depuis la surface vers un petit peu plus en profondeur, franchir en fait, la colonne de glace qui constitue la croûte glacée de ces corps planétaires. Les choses se passent fort différemment. Les acides aminés en particulier peuvent être inclus dans cette glace. Voilà le reportage du jour, une réaction l'un et l'autre, Cornelia Meinert, à ce que vous venez d'entendre et à l'importance finalement des minéraux dans cette apparition, cette catalysation du vivant. En fait, les minéraux ont beaucoup des rôles, où on pense qu'il y a plusieurs rôles des minéraux sur l'évolution et l'origine de la vie. Pas juste pour peut-être permettre la polymérisation des briques élémentaires, parce que ça, on sait assez bien, on trouve même dans l'espace interstellaire et sur Terre des façons de créer des briques élémentaires, mais une grande difficulté, c'est de polymériser, de le mettre en long chaîne comme c'est dans notre corps. Et voilà, dans ce cas-là, les minéraux peuvent jouer un rôle, mais même au niveau de catalyseurs pour en fait catalyser les réactions. Il y a des modèles qui favorisaient que ce n'est pas forcément les ADN, les ARN ou les lipides qui évoluent en première, mais c'est plutôt le métabolisme, le cœur de tout être vivant qui est formé en première ou qui se crée en première. Et pour le métabolisme, les très primitifs, il a eu besoin des minéraux, les fers, par exemple. Et c'est pour ça que les minéraux sont assez importants. Et on regarde aussi les minéraux, en fait, ailleurs, comme sur la surface de Mars, comme catalyseur potentiellement, et même pour protéger les molécules de ne pas être irradiées par la lumière UV qui était sur Terre ou sur Mars, très violent en fait. Il y a peut-être aussi un rôle de protéger, accumuler les molécules organiques. Stéphane Masvet, une réaction en un mot ? Oui, c'est ce que Corinne disait est important, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux grandes familles de pensées à l'heure actuelle autour de l'origine du vivant, c'est-à-dire qu'il y a toute une famille de scientifiques qui pensent à l'apparition du métabolisme en premier, c'est-à-dire avec des composés relativement simples, et puis là les minéraux ont un rôle particulier, et puis il y a des gens qui sont plus tournés vers la génétique, qui disent ce qui est important, c'est de réussir à construire des chaînes suffisamment longues pour arriver à l'ARN et que l'ARN a démarré. Donc il y a un peu deux courants de pensée importants à l'heure actuelle, et le point que je voulais mettre en avant, c'est qu'il y a beaucoup de progrès sur cette deuxième approche, justement, qui prend en compte l'environnement planétaire, hein, ces travaux de gens comme John Sutherland, il y a 3-4 ans, où il a réussi quand même à créer, en utilisant du HCN, c'est-à-dire avec des espèces, en mettant des espèces très réductrices dans l'atmosphère, à créer tous les nucléotides qui sont dans le vivant. Donc là, il y a eu un bon quantitatif, une avancée, je dirais, pour la voie génétique, parce qu'un environnement planétaire transitoire peut être imaginé avec un composé relativement facile à obtenir, qui est du HCN, est-ce qu'il y a plusieurs sources qui peuvent produire du HCN et qui pourraient donner un mécanisme assez intéressant pour le démarrage de la vie. Donc c'est pour juste mettre en perspective pour vos auditeurs qu'il y a deux grands courants de pensée à l'heure actuelle autour de l'origine de la vie. HCN, c'est le cyanure d'hydrogène, on est bien d'accord, hein? Oui, oui. Oui, d'accord. On va continuer à parler de l'apparition potentielle, ou en tout cas de ce que l'on peut imaginer de l'apparition de la vie ailleurs. On a vu un peu quelles étaient bien les contraintes qui sont nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre et quelles sont également les apories de cette pensée. On va essayer de se projeter, de changer, vous allez voir, quelques paramètres pour imaginer, pour se décoller de notre modèle géo-anthropocentrique et imaginer ce que pourrait être une autre forme de vie sur une autre exoplanète. Ici Ghost de groupe de Walden Experience, et un salut à notre réalisateur Olivier Bétard qui a pris quelques jours de congé. Nous parlons de l'apparition de la vie sur d'autres planètes. Nous en parlons avec Cornelia Meinert qui est directrice de recherche CNRS, spécialiste de la chimie analytique et de la formation des briques élémentaires à l'origine de la vie à l'Institut de chimie à Nice, et avec Stéphane Masvet qui est astrophysicien à l'Observatoire de Paris et futur directeur de l'Observatoire Nice Côte d'Azur. Maintenant qu'on a posé tout cela, effectivement, on le disait, on peut changer quelques paramètres et on peut peut-être revenir rapidement, Stéphane Masvet, sur cette question du silicium qui intrigue beaucoup et notamment un certain nombre de nos auditrices et de nos auditeurs qui s'en ouvrent sur notre fil Twitter. Le silicium, on l'a dit, hein, c'est dans la même colonne que le carbone, c'est le même nombre de liaisons tétravalentes, c'est un peu plus lourd, mais finalement, pourquoi est-ce que c'est exclu ou est-ce qu'on commence, est-ce qu'on peut modéliser une forme de vie basée sur le silicium à la place du carbone dans un tout autre environnement prébiotique que celui de la Terre des origines? Alors, justement, moi, je pense que c'est là qu'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, alors le silicium, c'est un exemple, on peut imaginer tout un tas de choses différentes pour la vie, mais après, il faut se poser la question, quel est le marqueur ou l'empreinte que je vais retrouver dans l'atmosphère? Et là, je pense que c'est extrêmement compliqué de s'éloigner, en fait, de ce que l'on connaît sur Terre, parce que qu'on connaît sur Terre, il y a des métabolismes qu'on arrive à quantifier, il y a des populations qu'on peut quantifier, on peut faire des modélisations d'atmosphère, on peut construire des instruments pour le caractériser, mais si on me demande comment est-ce qu'on va caractériser de la vie basée sur du silicium, je ne sais pas ce que je regarde en fait. Et la grosse difficulté, je pense, dans toutes ces questions, c'est avec les exoplanètes, c'est de se poser la question, mais qu'est-ce que je regarde, c'est quel est le marqueur d'une vie au silicium. Cornelia Meinert, si une telle vie pouvait exister, quel serait le marqueur d'une vie au silicium, en sachant qu'évidemment c'est compliqué puisque le silicium, contrairement au carbone qui peut se rejeter en gaz, en dioxyde de carbone, le silicium, si c'est rejeté, du dioxyde de silicium, c'est de la silice, c'est-à-dire que c'est du sable, donc c'est tout à fait solide. Enfin, là, on change vraiment complètement de paramètres. Exactement, sur notre planète, non, sur Terre, le silicium, le dioxyde de silicium, qui est en fait l'équivalent que le CO2. Et le CO2, c'est en forme gaz, et le dioxyde de silicium, comme vous avez dit, c'est la plupart des cas quartz, c'est le silice, c'est du sable, qui est un matériau cristalline. Et ça, on ne peut pas respirer, parce que si on veut avoir une vie à base de silicium, il faut métaboliser ce silicium, il faut respirer le dioxyde de silicium qui, sur notre Terre, est en forme solide. Il faut avoir des conditions très différentes sur une exoplanète pour rendre le dioxyde de silicium en forme gazeuse. Si on a à peu près les mêmes cycles et caractéristiques de des êtres vivants sur Terre à base de silicium. Oui, et puis il y a un argument qui, dans les conditions qui sont les conditions de la Terre, finalement, le silicium est sur Terre, et ce n'est pas le cas dans le reste du cosmos, mais sur Terre, le silicium est beaucoup plus abondant que le carbone. Et bien, le silicium, il a fait des roches, et c'est le carbone qui a fait la vie. Donc, il y a aussi, si ça avait marché, il n'y a pas de raison, finalement, que ça n'ait pas pu se produire sur Terre, compte tenu de l'abondance de silicium sur notre planète, Cornelia Meinert. Non, en fait, c'est ça. Sur Terre, même si le silicium est très abondant, surtout dans la croûte terrestre, c'est le deuxième élément le plus abondant sur Terre, parce que c'est dans les croûtes terrestres. Par contre, c'est insoluble dans l'eau. C'est en forme minérale, c'est pas accessible pour les êtres vivants. Et c'est pour ça qu'une vie sur Terre à base de silicium, c'est presque impossible. Ça veut dire qu'il faut évidemment rentrer dans des conditions qui relèvent beaucoup plus de la spéculation ou de la science-fiction. Néanmoins, il y a une autre question qu'on n'a pas tout à fait posée. Là, on parle de la base, donc de la molécule qui pourrait servir de base à la construction d'une nouvelle forme de vie. Se pose aussi la question du solvant. Chez nous, c'est l'eau liquide, Cornelia Meinert. Mais est-ce qu'on peut imaginer, dans d'autres conditions de température et de pression, d'autres formes de solvant, de liquide qui pourraient abriter, qui pourrait être le précurseur d'une vie, d'une forme de vie organique? Comme en fait, on sait tous qu'un solvant, c'est très important dans notre cellule. On a de l'eau, dans notre corps, on a beaucoup de l'eau. Et on sait que c'est très important, ou c'était très important pour l'évolution et l'origine de la vie sur Terre. Et comme on ne trouve pas l'eau sur toutes les planètes ou lune dans notre système solaire, on a des autres systèmes comme sur Titan, où on trouve des lacs. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs hypothèses où on remplace l'eau comme solvant par des autres solvants organiques comme le méthane, l'ammoniac, qui peut être un solvant. Mais dans ce cas-là, voilà, il faut, on peut ne pas chercher la même forme de vie que sur Terre, parce que ça va être très, très différent. Et on sait tout que l'eau a aussi des propriétés très impressionnantes. À base des températures, il change l'état, et qui permet aussi l'évolution de vie sur Terre. Oui, c'est-à-dire que le problème du méthane tel que nous le concevons aujourd'hui comme solvant, c'est qu'on est à des températures très basses. Or, qui dit température très basse dit une chimie qui est évidemment extrêmement ralentie et beaucoup moins efficace que une chimie aquatique au-dessus de 0 degré Celsius. Exactement. Et pour mon avis, la grande question, si on parle de l'origine de la vie dans cette émission, pour mon avis, si on veut comprendre l'origine de la vie, et je suis aussi assez content que Stéphane partage un petit peu le même principe de comprendre d'abord l'origine de la vie sur Terre pour chercher aussi la vie ailleurs, pour avoir des biosignatures, on est tous un petit peu, on a les mêmes idées. Une grande question qui, pour le moment, n'est pas abordée sur la question de l'origine de la vie, c'est en fait la transition entre la chimie, la biochimie, les premières molécules sur Terre, même la première polymérisation qu'on a entendue récemment, et la transition entre cette biochimie ou cette chimie pour des systèmes vraiment vivants. Mmh. Et ça, c'est actuellement pas du tout connu. On ne sait pas comment on est passé d'un système inerte. Alors ensuite, il y a plein de questions et on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on définit comme vivant ? Est-ce que les premiers assemblages moléculaires étaient de type virus ? Et le virus est-il vraiment un organisme vivant ? Est-ce qu'un virus a pu exister sans qu'il ait lui-même une forme de bactérie ? Bon, bref, on rentre dans cette question qui est une sorte de d'œuf ou la poule, mais à la sauce biochimique. Peut-être une réaction à tout cela, à cette question des solvants, à cette question de changer complètement de référentiel biochimique pour imaginer d'autres formes d'assemblage de précurseurs finalement à la vie, Stéphane Masvet. Je vais rebondir sur ce que Coralien finissait par dire. Je pense que on peut tout imaginer. C'est vrai que la question des solvants, c'est un peu le même type de question pour le silicium, mais je pense quand même que la question des origines de la vie sur Terre et déjà de la vie carbonée est déjà un problème en soi qu'on maîtrise pas du tout. Et peut-être qu'avec les exoplanètes, on va pouvoir avoir certains éléments de réponse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se limite dans notre définition de la vie possible comme étant cette vie au carbone, mais rien que cette partie-là est déjà un énorme challenge scientifique et que c'est très dur d'ouvrir après sur du silicium, sur des solvants. Bien sûr. Alors justement, pour terminer cette émission et pour conclure, aujourd'hui, dans les façons de détecter les exoplanètes, on peut avoir quelques signatures en spectroscopie qui nous donnent quelques indices sur la composition ou sur la présence de telle ou telle molécule, Stéphane Masvet, mais c'est pour le moment, ces outils et ces instruments sont encore très grossiers pour permettre d'avoir une vision plus fine et plus précise de la composition, par exemple, des atmosphères. Quelle est la suite et comment est-ce qu'on va pouvoir affiner notre vue ? Quels sont les prochains outils qui devraient nous permettre d'arriver, peut-être, pourquoi pas un jour, à se poser la question d'une biosignature sur une exoplanète ? Alors, justement, c'est là, on en est juste à essayer de voir, est-ce que les planètes habitables, c'est un concept qui existe vraiment ? Et ça va commencer avec le JWST, le James Webb Space Telescope, là, qui va remplacer Hubble, donc il doit être lancé en fin d'année, et qui va, donc c'est un très gros télescope spatial, hein, ça fait de mémoire 8 mètres de diamètre, le télescope, et on va pouvoir caractériser pour la première fois une planète dans la zone habitable, c'est le système TRAPPIST, qui est autour d'une petite naine rouge, et on espère avoir de la caractérisation atmosphérique des planètes dans la zone habitable, c'est-à-dire de détecter le CO2, l'eau, et on essaye de voir si on peut détecter donc de l'oxygène, qu'on a mentionné tout à l'heure, voire du méthane. Et après, il va falloir attendre l'ELT, parce que le système TRAPPIST, c'est une configuration optimum pour faire cette caractérisation. Donc c'est un système très différent de la Terre. Il va falloir attendre l'ELT, qui est l'Extremely Large Telescope, qui est en construction actuellement au Chili, avec les instruments de deuxième génération. Donc là, on parle d'un horizon 2027-2028, si tout se passe bien, pour pouvoir étendre la caractérisation des planètes habitables en repartant donc des petites étoiles et en se rapprochant des étoiles qui se rapprochent du Soleil. Mais à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de caractérisation de planètes habitables d'une part, et on n'a toujours pas trouvé de planètes de type terrestre dans la zone habitable d'une étoile comme le Soleil. Ça veut dire, aujourd'hui, pour conclure Stéphane Masvet, on peut imaginer déjà avec le James Webb, s'il est lancé d'ici la fin de l'année, il y a encore eu un nouveau report, on croise les doigts, ça veut dire qu'on peut imaginer trouver avec le James Webb ce qu'on appelle un smoking gun, c'est-à-dire une preuve irréfutable et de se dire « Ah !» on a la démonstration que là, il y a forcément de la vie, ou est-ce que, là encore, ça va demander de l'interprétation, de la confirmation, des observations complémentaires avec d'autres instruments pour pouvoir croiser les informations? Comment est-ce que vous l'envisagez? Ben, je pense que l'idée de la planète miracle, la Golden Planet, je ne suis pas convaincu que ça va fonctionner comme ça, parce qu'il y a le contexte planétaire, et je pense qu'avec le James Webb, on va pouvoir commencer déjà à tester la notion de planète habitable, et sûrement on va voir des choses particulières dans les compositions atmosphériques qu'on va essayer de comprendre. Mais est-ce qu'on aura, dès le James Webb, une caractérisation sans ambiguïté d'une activité biologique sur une planète? J'en doute, mais il ne faut pas faire de prédictions sur l'avenir. Non. Les exoplanètes montrent qu'on s'est trompé plus d'une fois. Bien sûr. L'ozone, par exemple, ça pourrait être un smoking gun O3? Ben, justement, moi je suis un petit peu convaincu qu'il n'y a pas une espèce particulière, parce qu'on peut trouver de l'oxygène ou de l'ozone dans des contextes qui ne sont pas, où il n'y a pas d'activité biologique. Donc il va falloir étudier ça dans un contexte planétaire, et j'ai tendance à penser qu'il va falloir avoir un échantillon de planètes suffisamment important, parce que le système TRAPPIST, c'est une petite naine rouge, donc c'est une petite étoile qui a 7 milliards d'années, qui est 10 fois plus petite que le Soleil, et la zone habitable, c'est des planètes qui ont une période d'une dizaine de jours. Donc elles montrent toujours la même face à l'étoile, donc on est dans des configurations très particulières de la Terre. Donc on verra, hein. Je veux pas m'avancer, Non, mais on ne vous demande pas de faire de la boule de cristal. On est dans une mission scientifique, voilà. Un peu sérieuse tout de même. Peut-être Cornelia Meinert, pour conclure, un mot, vous, en tant avec de votre point de vue de chimiste, il y aurait vraiment une détection qui ferait pencher la balance, ou qui ferait dire là il y a quelque chose? Est-ce que ça peut être, je ne sais pas, imaginons si on a une vision suffisamment précise des polluants atmosphériques, on pourrait imaginer quelque chose comme ça, ou comment vous l'envisagez? En fait, moi, je ne suis pas du tout expert dans l'atmosphère des exoplanètes. Là, je laisse vraiment Stéphane la parole. Par contre, on a des missions très impressionnantes actuellement en route, où on ramène les échantillons des astéroïdes. Il y a OSIRIS-REx, Hayabusa 2. Et je pense qu'avec les échantillons-là, on a beaucoup de chances déjà de mieux comprendre l'origine de notre système solaire et peut-être l'origine des premières briques pour la vie. Et il ne faut pas oublier, ces briques de la vie existent partout dans l'univers. C'est très universel, pour mon avis. Et c'est pour ça, en fait, une vie sur carbone, pour moi, c'est plutôt réaliste, parce que le carbone, si on a parlé de silicium, est quand même aussi beaucoup plus abondant dans l'univers que le silicium. Mais il est plus petite, cette molécule. Et des missions actuellement en route, même sur Mars, ça c'est plutôt où moi je travaille, où j'espère on a des résultats pour répondre à ces questions. Et on n'a pas parlé éventuellement de l'opportunité de trouver des acides aminés avec une chiralité différente qui pourrait être un signe d'une autre forme de vie, mais on en avait parlé dans une autre émission dont on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus évoquer ces hypothèses dans cette émission. Merci Cornelia Maillard. Meinert. Merci Stéphane Masvet. On peut vous lire pour plus d'informations dans Les exoplanètes et la vie dans l'univers. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, avec Étienne Céline Lozen, Éléonore Pérez, Natacha Triou, Alexandre Morales, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros à la réalisation, Laurie Vachon à la technique. Demain, si cette pandémie vous a plu, réjouissez-vous, il y en aura d'autres. Alors, avec un peu de chance, pas tout de suite, mais comment se préparer au futur SARS-CoV-2? Comment la science peut-elle anticiper une nouvelle maladie émergente? Et qu'est-ce que le Covid nous a appris pour éviter de refaire si possible les mêmes erreurs? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.